14 et 6, observation, événement. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qu'il y a. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas de quoi il s'agit.